Bonsoir, une émission spéciale. Flash info, comme ils disent à la télé. Une très bonne nouvelle, une très mauvaise et une moyenne. La très mauvaise nouvelle, bon, allons vite, Ilex et Tam sont morts. Alors, la deuxième nouvelle qui est vraiment très divertissante, c'est on ne pense qu'à ça, on en rigole, c'est la préoccupation du moment. Liberté, voilà, tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut sur le forum bleu, il paraît. Les plus de modérateurs, c'est le kiff, quoi. Oui, parce qu'il s'avère que les deux personnes décédées étaient des modérateurs. Nous respectons leur travail. Voilà. Mais liberté maintenant, par contre, voilà, changement de régime, tout le monde fait ce qu'il veut, on part en live et tout, c'est sans fin, c'est trop bien. Alors, pour lancer le truc, MCE propose des striptease, se mettre à poil et se photographier. On sait que dans ses poèmes et dans son travail, elle était très rivée là-dessus. Je reçois le mail à l'instant, je lis, hein, MCE, voilà. Cher Laurent, depuis que tu parles et que j'entends ta voix, je me sens plus femme. Et pour ce faire, je t'envoie ces quelques photos. Voilà. Alors ensuite, nous avons un message de Chantal et de Claire qui, semble-t-il, sont très copines. Très copines. Elles m'ont envoyé des photos aussi. Je vais publier tout ça dans quelques instants. Alors, je reçois aussi un mail de Casimir Kubiak qui me dit « Laurent, comme tu le sais, Ilex et Tam comptait beaucoup pour moi. La chose est dite. » Alors, il saute le chapitre. « Enfin, on va pouvoir être libre. On va pouvoir dire les choses exactement comme on a envie. La première chose à dire, selon moi, c'est d'exprimer notre tristesse de manière symbolique, la disparition de ces deux individus. Bravo Casimir, brillant comme d'habitude. Alors je reçois un mail de Florian qui me dit « J'ai peur quand j'allume mon écran parce que les rayons qui se mettent sur mon visage font un bronzage numérique. » Voilà, donc Florian m'envoie un message. Je reçois un mail de Zeyo. Ah, Zeyo, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cher Laurent, Naomi Campbell est trop cool. Tu avais raison, tu avais bel et bien mangé avec elle au Club de l'Arc pendant la projection d'Oliver Stone aux Champs-Élysées pour le film Entre ciel et terre. Bon, bah, merci, merci Zeyo. Oui, il y avait un buffet, on faisait la queue comme ça, on servait dans les assiettes et tout. Alors, quoi d'autre? Un mail de Construct. Alors, la prochaine fois que je te vois ivre, je te pète la gueule et je te frappe la tête par terre. Bon, ben, je souligne que je ne suis pas une femme et que ça ne se fait que aux femmes dans ton univers. Alors continuons, c'est un peu dur, hein, c'est un peu hardcore ce soir les émissions. Continuons, au point de se demander si on peut laisser la chose, mais bon, dans la mesure où il est parti. Hein. C'est un petit espace entre très convivial entre 10 personnes. Et s'il est public, je défie quiconque dans dans 99,99% de la population française et lisant le français de me donner l'adresse de cette page. Enfin bon, ça me semble plus qu'évident. Nous sommes dans c'est un procès collectif qui est à mon avis qui se résoudra par la parole de Karine, par un témoignage beaucoup plus approfondi, car elle le disait, elle était contre la délation. Bon. Moi, je constate les faits, hein, c'est tout. 4 minutes 33, je reçois un mail de qui d'autre? Alors, il finissait par « Veux-tu acheter des livres ?»« Mais veux-tu acheter mes PDF ?» Bon, je ne sais pas ce qu'il me demande, et ça fait 200 fois que je reçois son truc. Alors, on a fini Construct. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Lisons. Ah, Ilex et Tam m'envoie un mail. Cher Laurent, nous sommes gravement en danger. C'est un truc de ouf, ça. Div et Cloud nous poursuivent en ce moment même dans les Ardennes. H pour... Oh là là, c'est bizarre. À un moment donné, il écrit avec plein de caractères bizarres, comme s'il était dans la panique, quoi. Ils écrivent ça en courant. Alors, H... Ah oui, une H. Alors, H pour Cloud. Div tient la tronçonneuse. Ils veulent... Ah ouais, ils veulent nous tuer. Ils veulent les tuer avec une tronçonneuse. Waouh. C'est chaud. Bah, ça explique tout. Ça explique tout. Voilà. Donc merci à nos deux héros, Div et Cloud, d'avoir exécuté le plan Liberté pour les poètes, pas de modération, c'est pour les cons. Voilà. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci. Deux héros dans la nature. Mais par contre, il y a le décès de Vilex et Tam, ça c'est triste. Ah, ça, c'est les causes, c'est ce qu'on appelle les... On en avait parlé, on en avait débattu. C'est les... Un truc que ce... Ah. Les conséquences parallèles, un truc comme ça, quoi. Bon, Jordi trouvera le mot dans un orthographe par une orthographe parfait. On compte sur lui. Hein, même à mon avis, il l'a déjà dit dans les disques, tout ça. Il suffit qu'on suive un peu un peu notre Antoine. Je cherche le mot. Antoinivore, c'est un peu déjà dinosaure, mais après, Antoinus, Antoinus, quoi. Notre Antoinus, Jordi. Atoll, truc, Atoll, mais en plus, moins moderne, quoi. Ouais. Et pareil, alors, d'ailleurs, Jordi, le dernier mail que j'ai reçu de lui, c'est celui-ci. Je vais vous le lire, c'est super. 7 minutes, ça va tenir jusqu'à 10, on est bon. Jordi m'envoie le mail, il dit Cher Laurent, oui, je me fais pipi dessus, à mon âge, c'est normal. Oui, je n'ai pas fait l'amour depuis 15 ans bientôt, car mon sexe est mou et je n'ai plus eu aucune érection. Néanmoins, sache cela. Bon, il est gentil, il va m'apprendre des choses. Sache cela, les fuck machines 444 volts sont d'excellents moyens de séduction pour les préliminaires anales avec les jeunes femmes de 21 ans à 47 ans. Ah ouais, pour lui, les meufs de 47 ans, c'est des jeunes. Ok. Ok, donc technique, c'est technique, il y a le même le voltage, quoi. De plus, si tu places des dynamos Ushuaïa et des transistors Vibro Pancake, tu peux atteindre des vitesses vibratoires de 743 000 tours. En somme, la Black Decker laisse tomber. Ok, donc c'est pas très romantique ces mails à Jordi. Pouh, c'est un ouf en fait. Bon, ben, ok, Jordi, c'est cool. Un peu, putain, 8 minutes 28, 8 minutes 29. On a tout le monde là, on a tout le monde. Qui manque-t-il? Qui manque-t-il? Casimir, j'ai fait. Ben, Jean-Michel. Je reçois un mail de Jean-Michel. Alors, allons-y. Cher Laurent, étant donné la situation, je tiens à m'excuser. Néanmoins, sache cela. Je te prouverai que je suis un meilleur écrivain que toi. Bon, pas bah, génial. C'est pas des défis, hein, c'est de la verve. Alors allons-y. Quoi d'autre? Qui m'écrit? Qui m'écrit? Je vais regarder dans mes mails parce qu'en fait, faut que je déroule la page. Ouais, depuis tout à l'heure. Alors allons-y. Florian m'a spammé. Alors, quoi d'autre? Un texte de Denis H. Ah, il m'envoie un mail. Bon, lisons de nuages. Cher Laurent, en effet, je n'ai pas pris en considération le fait que tu aies pris beaucoup de temps pour faire ta chanson, là où moi-même, je ne suis pas très appliqué dans l'écriture de mes poèmes et de mes textes. Humble, je ne dirais pas que ce sont des chansons à chanter, mais vraiment, ton talent et prodigieux, même s'il n'est pas du tout dans mon style au point que je puisse trouver cela être de la merde. Bon, c'est bien dit. Quoi d'autre? Mon ami Laurent, je souhaite surtout que les blocages Facebook qui nous bloquent, voilà, tout ceci est définitif. Bon, il part en live. Quoi d'autre? Bon bah c'est tout, après il raconte, il dit je t'envoie tous mes poèmes, ils sont tous là, fais-en bon usage. Alors attends, c'est où? Corbeil, spam, déjà je mets spam, hop, et après je mets corbeil, fidèle à corbeil. Attends, alors voilà, je reviens, inbox, un autre mail de Denis, je clique, tac tac. Cher Laurent, je t'écris depuis un cybercafé, mon ordinateur a bugué, j'ai perdu toute trace de mes textes, heureusement que tu les as. Alors ok, alors dans ce cas-là, je passe, je te les rachète. Hein, il me les rachète combien? Non, c'est une somme trop petite, ça de toute façon, ce serait symboliquement mesquin d'accepter pour une aussi petite somme. Plus j'aurais dit d'accord. Alors donc qu'est-ce qu'il me dit? Ceci est question de vie ou de mort pour moi, il s'agit de 40 ans de travail. Tu te rends compte? Je n'étais qu'un enfant et toi tu as tous ces textes. Il y a aussi tous mes romans. Mes correspondances d'amour avec l'abbé Pierre. Ok, d'accord. Bon, donc, alors, je vais juste, quand même, par pitié, faire Google, récupérer texte jeté dans Gmail. J'envoie. Alors, comment How to run flying is Rangenen. Viagra flying is Rangenen. Vibro pancake processeur et 444 vol machine. Ah putain, c'est comme ça qu'il fait aujourd'hui. Alors il y a quoi d'autre? Ah voilà, je clique. Gmail officiel. Tac. Voilà, donc. It's impossible to recuperate the current car in the trash. If you want to try, just don't fuck, give the fuck and do something else. Ok, moi ça me va. Donc, cher Denis H, comme tu le sais, je vais répondre ça, je pense. Bon. Grande idée, grande idée. Alors, Denis H, supprimer de mes contacts. Tac, c'est bon. Alors, vous supprimez Denis H. Voulez-vous aussi qu'il ne jamais entendre parler de sa vie d'enfoiré? Oui. Alors, Denis H, est-il vraiment un con? Si oui, vous pouvez vraiment que rien, vous ne voyez jamais rien de lui sur Facebook. Alors, je clique sur oui. Voilà. Gmail et Firefox et Chrome, Google Chrome et tout votre navigateur internet peuvent vous bloquer de nuages avec l'extension Fuck this connard. Non, oui. Installation de fuck de nuages. Je clique. Hop, fuck de nuages. Voilà. Voulez-vous réellement fucker de nuages? Oui, bah oui. Hop, je clique. Fucker de nuages. De nuages est en train d'être fucké. 12%, 15%. Ah, ok, ça évolue. Son fuckage évolue en fait. C'est bien fait, bah attendez, même l'interface visuelle est bien faite. Waouh, ça accélère, là, c'est Denis H, fuckage complété. Hop, êtes-vous satisfait, là? Ou savez-vous que nous pouvons aussi l'antivirus fucker? Je peux aussi fucker Denis H dans Windows, c'est un truc de malade, je clique. Windows, mise à jour, là, vous devez mettre la mise à jour, c'est très rapide, là, je clique, tac. Mise à jour, tac, Denis H, le fuck. OS fuck de nuage, trop bien. Tac, OS fuck. Je clique. Téléchargement en cours, 17 secondes. C'est bon. Putain. Excellent. Voilà, c'est bon. Alors, accélération. C'est marrant les secondes Windows. 4, 3, 2, hop. Voilà. Alors, ouf. Administrateur. Oui, je suis là. Les droits administrateurs. Êtes-vous le propriétaire de cet ordinateur? Oui, tac, tac. Avez-vous? Non, merci. WinZip, je l'ai déjà. L'extension Firefox va être installée. Alors, accepter. Et là, il dit. Ah, il est malin. Annuler toute l'installation. Allez, on croit que c'est toute l'installation. Je clique. Tac. Voilà. Ça installe. Voilà. Tac. C'est bon. Alors, allons sur le forum bleu. On va tester. Hein. Maintenant, c'est génial. Il ne faut pas redémarrer l'ordinateur. Tac. Je clique. Forum bleu. Bienvenue. Anonyme. Voilà. Voilà, il n'y a plus ces textes. C'est bon. C'est bon. Il n'y a plus les textes de Denis H. C'est trop bien. Hein. C'est trop bien, putain. Oh, un être humain en moins, putain. Pff, il était con, lui. Oh là là. Pff. Moi, je suis trop au-dessus, vous voyez. n'a rien à voir, quoi. Vous voyez, ah non, il faut pas que je... C'est un virus. Est-ce qu'il y a un antivirus d'ailleurs? Je me demande ça. Ah, quel siècle fantastique. Tant d'outils, tant d'outils, tant d'outils pour s'éviter les uns les autres. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, voilà. C'était un petit hommage à Denis H. Quand le jour où il trouvera un micro. Merci à vous.